Ce vendredi, à la vie en BD, des meurtres insolites, des aventures dans un monde virtuel, des commentaires BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 pour parler 9e art, pour parler bande dessinée. Et cette semaine, on va dans deux ambiances à caractère familial dans nos choix d'albums et nos choix d'entrevues, mais également des ambiances quand même... Je dirais pas aux antipodes, mais à deux axes opposés. Deux albums, je disais, familiaux, quand même chargés d'humour, mais il y en a un, donc, qui est une enquête à caractère un peu policier qui nous amène dans les romans d'Agatha Christie, dans les romans de Sherlock Holmes, nous joint dans cet esprit-là, mais dans le Boston des années 1919. C'est la toute nouvelle série de l'auteur de Lévis, Jacques Lamontagne, qui s'appelle Shelton et Felter. Premier tome, La mort noire, donc des meurtres avec des morts liées à la mélasse. C'est une série semi-réaliste très réussi, d'ailleurs, enfin, un beau premier tome qui nous est offert ici, et on aura l'occasion, justement, d'explorer, d'aller à la rencontre de cet univers en compagnie de son auteur dans quelques instants. Et également, en deuxième moitié d'émission, on jettera un coup d'œil sur le quatrième tome, ici, de la série Victor et Igor de Maxime Cyr, qui, donc, de ça, quelques années déjà, nous a créé ces deux robots, ces deux frères robots créés par un duo de savants fous, une série jeunesse pleine de couleurs, dans un style très... je dirais pas simple, mais efficace à tout le moins. Alors, on va aller explorer un peu cet univers-là, une série qui est beaucoup plus basée sur le gag que sur l'aventure, et une série basée beaucoup plus sur l'aventure. Alors, ce sera nos deux albums cette semaine. Également, en fin d'émission, il y aura Marco Duchesne qui sera de passage pour nous partager ses commentaires BD. Alors, c'est le menu de cette semaine ici à La Vie en BD. Et comme à l'habitude, on commence l'émission avec quelques actualités et, ma foi, une pléiade de nominations à différents prix qui sont arrivées au fil des derniers jours. Et notamment, je commence par le prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise 2017. L'ACBD, je vous rappelle, qui est l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée, une association qui réunit 94 membres qui parlent régulièrement de bande dessinée dans les médias de l'espace francophone, tant européen que québécois, association à laquelle j'ai le plaisir d'adhérer. Et il y a 3 ans, il y a des acteurs québécois de l'association qui ont mis sur pied cette récompense qui est destinée, et je cite, à soutenir et mettre en valeur dans un esprit de découverte un livre de bande dessinée publié en langue française à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l'auteur y déploie. En 2015, donc, c'était Non Aventure de Jimmy Beaulieu dans sa réédition européenne renommée La Femme, Les Aventures, pardon, aux impressions nouvelles qui avaient été couronnées. Puis en 2016, c'était La Femme aux cartes postales de Jean-Paul Hyde et Claude Paiement à la pastèque qui avait été gagnant. Deux excellents titres, évidemment, et si vous ne les avez pas encore lus, il est toujours temps, évidemment, de pallier à ce manque. Et maintenant, pour 2017, les membres de l'association ont choisi 3 finalistes qui ont été sélectionnés parmi les quelques 70 ouvrages de bande dessinée publiés par des auteurs québécois entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017. Alors, les 3 finalistes sont « Comment je ne suis pas devenu moine » de Jean-Sébastien Bérubé chez Futuropolis, « Louis parmi les spectres » d'Isabelle Arsenault et Fanny Britt du côté de la Pastèque et « S'enfuir, récit d'un otage » de Guy Delisle chez Dargaud. Ai-je besoin de dire qu'il s'agit ici de 3 excellents titres? Alors, si vous voulez les lire en attendant le vote, je vous enjoins de le faire de manière proactive. successives. Et du côté des membres de l'association, mais l'appel au vote parmi ces trois finalistes a été lancé. Alors leur choix final, lui, va être rendu public dans le cadre du Salon du livre de Montréal le vendredi 17 novembre prochain à 17h. Et puisqu'on parle de prix, sortons rapidement du Québec et allons faire un petit tour d'inventaire, notamment le prix Landerneau BD, présidé par Joanjo Guarnido, composé de libraires, a sélectionné 10 albums francophones publiés depuis le début de l'année, dont le sujet, le style et le dessin sont à même de ressembler à un large public autour d'un univers singulier. Alors ça, les 10 finalistes sont Johnny Jumper ne répond plus de Guillaume Bouzard, Emma G. Wilford de Zidrou et Edith, Le Travailleur de la Nuit de Léonard Cheminot et Mads, Aldol Weiss de Cédric Mayenne et Lucie Mazel, Les Mille et Une Vies des Urgences de Baptiste Beaulieu et Dominique Mermoux, Terre 1, L'Étranger de Christophe Dubois et Rodolphe, Gwenlan Vertigo, donc d'Hervé Tancrel, Jean Doux et le Mystère de la Disquette Molle de Philippe Valette, Katanga, tome 1, Diamant de Fabien Nury et Sylvain Vallée et Une Sœur de Bastien Vivès. Alors ça, le prix sera remis à la mi-novembre également. Un palmarès de prix qui ont été donnés cette fois-ci, en fait, c'est du côté du Festival de la BD de Chambéry en Savoie. Alors, eux ont récompensé notamment leur meilleur album à La Parole du Muet de Laurent Galadon et Frédéric Blier. Meilleur scénario, c'est Frédéric Maffre pour Stern, tome 2. Philippe Xavier pour Hiver 1709, le tome 2, a gagné le meilleur dessin. La meilleure série jeunesse a été donnée à Thébault pour La Jeunesse de Mickey. Et l'ensemble de l'œuvre a été donné à Maester pour sa production. Et autre petit clin d'œil, peut-être si en terminant cette tournée d'actualité, le prix SNCF du Polar 2018 a annoncé également ses finalistes. Alors, donc, voici les albums en lice. Alors, il s'agit de Bâtard de Max de Radigues, de Tu sais ce qu'on raconte de Gilles Rochier et de Daniel Cassanave, de Police lunaire de Tom Gold, de La loterie de Miles Hyman et de La forêt des renards pendus de Nicolas Dumonteuil. Alors, je rappelle que l'an dernier, ça avait été Apache d'Alex W. Inker qui avait remporté ce prix. Alors voilà pour cette petite tournée d'actualité en musique cette semaine, toujours dans la 8-bit, c'est la formation Pain Perdu qui nous accompagne avec leur album Nouvelle Lune. Écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que l'ensemble des émissions sont disponibles en balado diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Je vous invite également à nous suivre sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Et on se lance donc avec une première BD pour l'émission de cette semaine. Alors, une bande dessinée d'un auteur de Lévis qui s'appelle Jacques Lamontagne, qu'on connaît évidemment, entre autres, pour son dessin sur la série Les Druides, pour son dessin sur la série Aspic, également pour son travail de scénariste sur Jack l'Éventreur contre Van Helsing, et qu'on retrouve, qu'on a retrouvé en fait il y a déjà à peu près un mois comme dessinateur et scénariste sur une nouvelle série qui s'appelle Shelton et Felter, premier tome qui est arrivé du côté de Ken Edition, ça s'appelle La Mort Noire. Et on avait très envie d'en jaser avec lui. Jacques Lamontagne est avec nous, bonjour. Bonjour. Et j'ai lu d'ailleurs en fait que pour vous, c'est un peu l'aboutissement, l'arrivée de cet album-là, d'à peu près 10 ans de travail ou 10 ans d'effort à essayer de faire naître justement cette série-là. Oui, en fait, les premières bases de cette série-là avaient été installées il y a à peu près une dizaine d'années pour un dessinateur qui, depuis, a complètement disparu du réseau. Et c'est resté dans les tiroirs pendant un bon bout de temps jusqu'à temps que je le ressorte il y a environ 2 ans. Et il y a eu quelques tentatives, vous avez mentionné avec un premier dessinateur, vous avez relancé avec un deuxième par la suite. Et à un moment donné, j'imagine que vous avez dit, ben, il faut que j'essaie de faire le saut de l'ange et de faire une première BD entièrement solo. Oui, ben en fait, il y avait comme une forme de mise en péril. Par la force des choses, comme bon, j'avais plus de dessinateur et que les séries étaient approuvées par un éditeur, il fallait que je trouve un dessinateur après quelques essais infructueux. Ben, je me suis dit, je vais faire un test. Je l'ai envoyé à mon éditeur sans dire que c'était moi. Et puis, c'était accepté. Donc, j'ai pas eu le choix. Je me suis lancé. Et qu'est-ce qui faisait justement que vous hésitiez peut-être un peu à faire ce saut-là? Est-ce que vous aviez l'impression qu'il y avait risque de manquer de recul, peut-être d'être trop happé par l'œuvre ou la volonté de continuer à travailler en duo? Oui, ben, j'aime beaucoup le travail de travailler avec un éditeur, avec un scénariste, avec un soin dessinateur. J'aime le travail d'équipe. Et puis, de me lancer seul, il y avait cette espèce de mise en péril, justement, de me dire, bon, d'assumer seul l'insuccès ou le succès, c'est quand même quelque chose de se lancer tête première comme ça dans un projet en solo. Et du coup, ben, je regrette pas maintenant d'avoir pris cette décision-là. Et j'imagine, en fait, avoir la réception que l'album a jusqu'alors, je pense que si on farfouille dans les critiques, on en trouve essentiellement que des bonnes. Ça doit être satisfaisant, non seulement d'avoir mené à bout ce projet-là après 10 ans, mais en plus de voir à quel point les gens, jusqu'à maintenant, l'ont reçu de manière extrêmement favorable. Oui, ben en fait, c'est ça. L'inverse aurait été dramatique pour moi, parce que comme auteur, on est... quand on travaille pendant un an de temps sur un album, c'est certain que le jour du lancement, on est très, très nerveux. Et puis là, bon, j'ai lu que en fait, la plupart des critiques sont plutôt unanimes pour dire que l'album est fort divertissant et plaisant, là. Oui, en fait, j'enlèverais même le plus tôt. On pourrait presque parler d'unanimité là, dans ce que j'ai retracé de mon côté. Et effectivement, enfin, avec raison, il faut dire. Et peut-être si on établit un peu le point de départ aussi du récit, vous avez démarré avec l'idée d'un fait divers, en fait, une grande inondation de mélasse qui était survenue à Boston en 1919, un épisode historique bien réel qui vous avait donné un peu l'élan pour développer l'histoire. En fait, la première histoire que j'avais écrite pour Charlton Heffelter n'était pas du tout ça. C'est suite au visionnement d'un documentaire que j'ai vu à la télé qui retraçait cet épisode de Boston, soit le déversement d'une citerne gigantesque qui emportait des vies, qui emportait des maisons et qui contenait de la mélasse. Je trouvais ça complètement surréaliste. Alors j'ai complètement recommencé mon récit en me basant sur cet événement-là. Et donc, c'était pas prévu à la base là que ça soit fait comme ça. Là. Est-ce qu'il y a une impression dans l'idée d'utiliser un fait réel que ça pourrait aider à rendre l'histoire crédible? Ben, il y a ça, en fait. On part sur une base très solide, sur un squelette, et puis je trouve que c'est plus facile à partir de là de faire accepter une fiction qui vient se coller à un événement qui s'est réellement déroulé là. D'ailleurs, je vais tenter pour les prochains tomes de justement construire autour de choses qui ont vraiment existé. Ce qui m'avait donné cette idée-là, c'était tout simplement dans les Lucky Luke, les gravures qu'on pouvait retrouver à la fin, ce qui donnait de la véracité à l'histoire de fiction qu'on raconte en fait au lecteur. Et une approche que vous reproduisez, parce qu'à la fin, justement, il y a un peu une historique de création et une historique aussi de l'anecdote du point de départ, donc que vous intégrez également dans l'album. Absolument, absolument. Puis, en fait, moi, Charlton Heffelter, je me suis vraiment fait plaisir avec ça. J'ai pas l'intention de rien réinventer. C'est simplement de redonner un petit peu ce qui m'a plu dans mes lectures de jeunesse. Donc, il y a une forme qui est très classique. Mais par contre, c'est ça, j'ai mis des personnages qui sont un petit peu atypiques et puis leur relation, leur collaboration ensemble tient quand même du miracle là, parce que c'est deux personnages complètement différents. Oui, puis en fait, une forme classique avec un regard peut-être un peu quand même actuel aussi sur le propos, dans la mesure où on fait pas la mise en scène, on n'aborde pas le sujet classique de la même manière qu'on l'a abordé il y a 40 ans. Il y a une somme de ce qu'on est aujourd'hui qui vient quand même teinter aussi l'appropriation de cette approche classique-là, si on peut dire. Absolument, c'est ça. En fait, on est sur des bases très classiques, mais il faut rendre, malgré le fait qu'on raconte une histoire qui se passe en 1924, il faut rendre le propos actuel, l'humour, les traits d'humour que j'ai insérés à l'intérieur de l'album. Il faut quand même que ça plaise à la génération d'aujourd'hui, là, pas celle des années 50 ni 60. Là. Donc, il faut, c'est ça, essayer de charmer le lecteur avec une histoire qui est complètement fantaisiste, mais avec une structure d'enquête policière qui se tient quand même pour tenir le lecteur en haleine. Là. Oui, puis en même temps, dans un genre comme ça, je me dis, c'est aussi d'aller vers le classique. Il y a toujours le risque de la comparaison. On a dans Sheldon and Filter, c'est une histoire de odd couple classique. Donc, il y a beaucoup de points de comparaison qu'on peut avoir. On va aussi chercher un peu dans l'ambiance, un peu à l'Agatha Christie. J'avais l'impression un peu à la Sherlock Holmes aussi à certains égards. Donc, encore là, d'autres points de comparaison. Est-ce qu'on se dit à un moment donné, OK, il y a ces influences-là, et sans nécessairement, l'idée, c'est pas des à côté, mais c'est de tomber un peu dans, de sécuriser le lecteur, mais en même temps de l'amener ailleurs pour créer une identité propre aussi à la série qu'on est en train de proposer, bâtie sur ces formules-là, bâtie sur ces influences-là. Oui, absolument. De toute manière, bon, le jeu des comparaisons, toute œuvre risque d'y tomber, c'est-à-dire qu'on doit même inconsciemment parfois ressembler à des choses qui ont déjà été faites auparavant. De se distinguer par rapport à une œuvre, c'est quand même assez difficile parce que il y aura toujours quelqu'un qui va nous dire bon ça me rappelle ci, ça me rappelle ça. Moi, j'ai vraiment voulu, comme je disais, non pas réinventer, j'avais pas la prétention de réinventer la bande dessinée. Je voulais me faire avant tout plaisir, me raconter une histoire que j'aurais aimé lire moi-même. Et puis, au final, bon, d'après les retours que j'ai sur Internet, les critiques, tout ça, ça semble avoir porté fruit. Et à l'intérieur du récit, donc, il y a évidemment l'aspect de l'enquête policière, mais il y a beaucoup aussi la relation entre vos personnages, ces deux personnages, un duo que tout oppose. On parlait d'Odd Couple tantôt. Oui. Donc, Shelton, l'ancien boxeur devenu journaliste, Felter, le libraire, amateur de romans policiers. Qu'est-ce qui vous a amené un peu vers eux, puis de quelle manière vous avez procédé un peu pour les construire, dans le fond, pour les inventer? Ben, en fait, on peut aller aussi loin que la grande vadrouille, la relation entre Louis de Funès, qui est exécrable, et Bourville, qui le porte sur ses épaules. Il y a un peu de ça, il y a un peu de mesquinerie. Ces deux personnages qui, indépendamment, peuvent pas réussir, mais qui, jumelés ensemble, même s'ils réussissent pas vraiment à s'entendre, peuvent tout réussir, ils se poussent un peu plus loin, ils vont se faire évoluer. Felter, qui est un casanier, qui est bourré de toc, qui a peur de tout, Shelton va l'aider à sortir un peu de chez lui. Et bon, Felter, lui, est un peu plus cérébral. Donc, c'est cette espèce de brassage-là qui fait que le tandem peut être amusant. Là. Oui, puis en même temps, j'imagine qu'à travers ça, il y a le défi de trouver la bonne chimie sur la page entre le physique, entre l'action, les postures des personnages, mais aussi dans les dialogues, dans leurs échanges qu'ils vont avoir. Oui, parce qu'un autre défi que j'avais également, c'était de m'inscrire dans un format de 46 pages, un format relativement classique, mais de mener une enquête qui se tienne, qui soit articulée, qui puisse plaire à l'adulte. Puis avoir des traits d'humour qui peuvent plaire à des plus jeunes, de 12 ans, et de construire cette enquête-là policière à l'intérieur d'un format de 46 pages, c'était quand même un défi. Et moi, je voulais que le lecteur soit pas prisonnier d'une série à rallonge où est-ce qu'il faut connaître le prochain tome pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Je voulais que ce soit une histoire qui soit complète. Et dans laquelle, en plus, vous avez introduire aussi vos personnages, vous avez introduire la dynamique et en plus à introduire l'enquête. Donc ça fait beaucoup d'éléments. Et comme vous êtes en 46 planches, c'est pas énorme. Au niveau, j'imagine, du scénario, c'est à un moment donné, c'est d'essayer de miser sur l'efficacité des termes, sur l'efficacité des choix qu'on fait sur le plan narratif. Il y a de ça. En fait, le tome 1 est peut-être, je dirais, le tome le plus problématique parce que c'était l'introduction des personnages, c'était leur univers, on entre dans leur petite vie. Tandis que là, déjà avec le tome 2, j'ai pu installer même comme 3 temps dans mon scénario parce que là, j'ai un peu plus de latitude parce que les planches qui me servaient d'introduction pour les personnages, là, j'ai pu les présenter à nouveau là pour le tome 2. Donc, ça sert vraiment le récit, ça sert vraiment l'enquête et puis les différents rebondissements qu'on va trouver à travers l'album. Oui, puis en même temps, ça donne une petite récompense aussi à ceux qui ont suivi le premier tome. Exemple, c'est votre personnage Casanier, vous l'amenez en croisière, ben déjà, le fait de savoir qu'il est Casanier puis de l'avoir vu évoluer dans le premier tome, ben on a aussi un retour avec le sourire, dans le fond, en voyant ce qui va lui arriver dans le deuxième. Oui, c'est ça, parce qu'on va réaliser que Falter, bon, c'est ça, il est très Casanier, mais en même temps, c'est un type qui a horreur du voyage, et il y a un événement qui va arriver dans sa vie qui le pousse, qui l'oblige à faire une traversée transatlantique. Donc, c'est ça, ça sera à découvrir avec le tome 2. Là. Et donc, en fait, je fais une parenthèse d'ailleurs là-dessus, vous êtes déjà sur le tome 2, il y a peut-être un tome 3 aussi, j'ai lu à quelque part, qui était à l'horizon, donc c'est déjà signe aussi que il y a une volonté, autant chez vous que chez l'éditeur, d'essayer de lancer ces personnages-là, puis de leur donner une chance d'aller au-delà du premier tome, justement, pour faire leur place. Là. Ouais, ben en fait... Moi, j'achève la semaine prochaine, le tome 2 sera terminé. Par contre, il ne paraîtra que l'an prochain. Je vais avoir une parenthèse au niveau du travail qui va être Wide West. Donc, je vais mettre pendant un petit bout de temps Shelton et Falter de côté pour me consacrer à cette nouvelle série également, qui est une série western qui paraîtra chez Dupuis. Avec Thierry Gloris. Avec Thierry Gloris au scénario. Et puis, par la suite, ce sera un retour pour travailler sur le tome 3. Déjà, bon, j'ai quelques idées, quelques pistes, mais ça me laisse quand même suffisamment de temps là, pour bien construire ce troisième épisode de Shelton et Falter. Et justement, quand on se lance un peu, bon, vous le disiez, avec le deuxième tome, j'imagine aussi comme auteur, on se sent déjà un peu plus à la maison, entre guillemets, avec ces personnages-là. Donc, ça prend combien de temps pour réussir à vraiment maîtriser justement cet univers-là au fil du premier tome? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, ben, il faut que je revienne un peu en arrière parce que finalement, il y a des dynamiques que j'ai ajouté, qui fonctionne, que j'aimerais réintégrer un peu au début ou des éléments comme ça? Oui, mais en fait, le tome 2 va être un tome de transition, c'est-à-dire que, bon, les gens n'ont que pour point de comparaison le tome 1. Forcément, le tome 2 va moins étonner que le tome 1 parce qu'on ne découvre pas les personnages. Donc, c'est d'arriver à livrer quelque chose qui va être suffisamment dynamique pour tenir le lecteur en haleine parce que comme je disais, il n'y a plus l'effet surprise n'est plus là. Et pour le tome, c'est ça, c'est d'avoir cette espèce de continuité dans l'humour, dans le rythme, mais également il faudra que ces personnages-là évoluent aussi en fait, même si c'est des histoires qui sont complètes, je voudrais que l'univers de Shelton et Falter se construise également. On en apprend un peu plus sur leur famille, un peu plus sur leurs origines, leur background, et puis donc c'est à ça que je vais travailler. Et évidemment, en fait, au cœur du premier tome de Shelton et Falter, donc La mort noire, il y a cette enquête-là que vous avez construite, et évidemment, on traque un tueur en série, et on est moins dans, j'ai l'impression, en fait, dans la psyché du tueur, plutôt dans la mécanique du crime, en fait, l'espèce de traque, c'est ce qui semble vous intéresser, ce qui semblait vous intéresser même déjà aussi au scénario dans Jack l'Éventreur contre Van Helsing. Oui, mais en fait, moi je trouve, parce qu'il y a quelqu'un qui me posait une question récemment qui me demandait, vous semblez vous intéresser au tueur en série. Je m'intéresse pas au tueur en série en particulier, je m'intéresse à la traque. J'aime être par-dessus l'épaule de l'enquêteur et de remonter cette espèce de chemin d'indices là qui nous mène, c'est ce que je trouve excitant, qui nous mène au meurtrier ou au criminel, en fait là. C'est beaucoup plus ça là qui me plaît dans ce type de récit. Et donc, c'est de se dire, ben, OK, j'ai 46 planches pour établir ça et pour mettre en place le chemin. Et pour mettre en place un chemin que j'aurais pas non plus à mettre des pages interminables de dialogue pour expliquer. Ouais, ça, c'est une autre chose. Par contre, justement, c'est, bon, dans le tome 2, je serai un peu plus ventilé au niveau de l'explication parce qu'on y échappe pas. Hein. Il faut qu'il y ait une espèce de retour en arrière, des scènes de flashback où est-ce qu'on explique un petit peu au lecteur, bon, qu'est-ce qui a échappé, qu'est-ce qui lui a échappé, puis également, bon, certaines choses qui ne se passent que dans la tête de l'enquêteur, c'est-à-dire de Falter et Shelton, là. Mais effectivement, il faut pas qu'on ait ces explications-là sur une dizaine de pages, sinon on perd le lecteur. Donc, c'est tout est dans l'équilibre, en fait. J'ai l'impression que c'est d'un côté, donc, l'enquête qui doit être présente, le côté humoristique, l'ambiance, les explications, les scènes d'action, c'est un jeu d'équilibriste de bâtir un album comme celui-là, je trouve. Oui, c'est ça, puis une espèce de tour de force de tenir à l'intérieur de ce format-là. C'est sûr qu'on aurait pu faire du 62 pages. Moi, je voulais vraiment, c'était le format dans lequel je voulais travailler. Ça me rend les choses un petit peu plus compliquées, mais par contre, quand c'est réussi, on est vraiment content. Et évidemment, au cours du projet, il y a eu des choix. Je regardais les esquisses à la fin et notamment, en fait, à un moment donné, le projet semblait s'orienter vers un style un peu plus, je dirais, comique, BD classique. Vous êtes orienté par la suite, en fait, quand vous avez repris le dessin vers un style semi-réaliste, un peu plus dans la veine de ce que vous faites sur Aspic que du style réaliste des druides. Qu'est-ce qui a orienté ce choix-là, peut-être aussi au niveau du visuel? Bon, je cacherai pas que j'ai toujours adoré le travail de Denis Bodard sur Green Manor. Je voulais avoir quelque chose de franco-belge. Quand j'ai travaillé, parce qu'en fait, Denis Goulet, dessinateur de Québec, a fait quelques essais sur des pages qui ont plu à l'éditeur. Malheureusement, bon, Denis a dû faire d'autres choix entre-temps. Et du coup, je me suis retrouvé, sans dessinateur. Et comme je disais tout à l'heure, bon, j'ai fait un test, je l'ai envoyé à mon éditeur sans lui dévoiler que c'était moi qui l'avais réalisé. Mais j'avais toujours en tête le travail de Denis Bodard que je vénère, j'adore son travail. Donc, c'est ça, je voulais avoir quelque chose d'un peu plus rond, un peu plus instantané au niveau du trait. Et puis, surtout, je voulais me décharger du travail de colorisation parce que, comme je savais que j'allais sans doute attaquer un projet qui allait m'amener vers un trait plus réaliste, ce qui nécessite beaucoup plus de temps, il fallait que je me décharge d'une part de travail. Et en même temps, dans le contexte historique, dans le fond, j'ai l'impression que ça permet d'aller chercher l'ambiance, mais sans être obligé de reproduire au détail près ou de donner l'impression qu'on reproduit au détail près, comme dans d'autres séries. Ben, je mentionne les druides où, dans le fond, il y a une recherche architecturale dans les deux, mais l'expression de la recherche est pas le même rendu sur la planche. Là. Oui, ben en fait, ce que je voulais faire, surtout, c'était de mettre toutes mes énergies sur le scénario. Je les mettais également dans le dessin, mais de relâcher, de donner un peu de mou au niveau du dessin pour laisser toute la place au scénario puis à l'ambiance. Quand on regarde, on lit un Lucky Luke. Maurice était un dessinateur exceptionnel, mais il tombait pas dans la surenchère du détail, et c'est pas nécessaire non plus. Ce qu'il faut, c'est que tout soit placé, tout soit là, le décor soit campé, mais on n'est pas obligé de tomber dans le détail de chacune des briques, là. Et dans le fond, on découvre tout ça, évidemment, dans ce premier tome de la série Shelton et Felter. Jacques Lamontagne, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Au plaisir. Au revoir. Alors, je rappelle Jacques Lamontagne, donc auteur, scénariste, dessinateur donc de Shelton et Felter, tome 1, La mort noire, qui est disponible du côté de Ken Édition. Et voilà un nouvel extrait de la formation Pain Perdu, leur album Nouvelle Lune. Je prends quelques instants pour vous parler très brièvement d'une bande dessinée que j'ai eu l'occasion de lire tout récemment, Monde Oblique. En fait, le tome 2 de Réalité Oblique, c'est de Clark. Deuxième album, j'avais pas lu le premier, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Essentiellement, c'est des courtes nouvelles, en fait. La formule, le cadre est extrêmement clair. En fait, chaque récit est indépendant et rythmé de façon un peu immuable, fixe. En fait, c'est 4 planches de 4 cases chacune, et c'est à l'intérieur de ce cadre-là qu'on imagine donc une courte histoire. Dans ce cas-ci, on est vraiment dans la nouvelle. Je dirais pas horrifique, mais plus dans la nouvelle, disons... sombre dans la nouvelle, le côté de l'horreur, mais le côté peut-être absurde de l'existence, le côté peut-être malaisant de l'existence, donc peut-être à la limite qui pourrait faire référence à des séries un peu comme Black Mirror, ceux qui suivent des séries en streaming sur certains médias, mais donc on est un peu dans ce type d'ambiance-là, et on va chercher des courtes histoires, des courts récits avec essentiellement pas de dialogue ou une voix unique, essentiellement celle soit du narrateur ou soit du personnage principal qui regarde justement la situation, donc de la mise en place de cette situation-là jusqu'à la chute qui donne un autre regard dans le fond sur les premières pages qu'on a vues. Donc vraiment un style classique de la nouvelle qui fonctionne vraiment très bien dans celui-là. J'ai été mal à l'aise du début à la fin, mais de manière assez positive, évidemment. Donc dans ces 25 mini-récits-là, il y en a évidemment qui font plus mouche que d'autres, mais de manière générale, ça fonctionne. Je vous donne quelques exemples d'idées. Donc ça ouvre avec la femme éphémère, donc une jeune femme qui sait qu'elle a une journée à vivre, donc elle existe le matin et elle finira d'exister le soir, et qui cherche une façon pour que les gens se rappellent d'elle. Une autre histoire, quelqu'un qui est tellement empreint de colère, qui pour aller exprimer sa colère, va s'isoler sur une île lointaine et laisse pan à sa rage. L'histoire d'un marionnettiste qui décide de laisser une part de lui-même à sa marionnette. L'idée, le classique mourant qui décide d'aller chercher la vie éternelle. Alors, plein de petites situations comme ça, mais évidemment, on devine rapidement que chaque histoire va tourner au malaise, sans nécessairement dire qu'elle se termine mal, mais qu'elles amènent une réflexion et qu'elles amènent un moment de mal-être aussi pour le lecteur à travers cette réflexion-là, des réflexions qui amènent à confronter justement sur certaines volontés que l'on a ou que l'on sait que des humains ont, l'obsession qu'on se rappelle de nous, l'obsession de réussir, l'idée d'être éventuellement confronté à sa propre mort, l'idée d'être confronté à une souffrance éternelle, donc des éléments comme ça qui viennent un peu animer nos cauchemars peut-être et qui sont exprimés sur la page par Clark dans un dessin quand même somme toute classique, tout en noir et blanc, donc très très saturé également. Vraiment, c'est à la fois un objet et à la fois un livre qu'on lit, mais c'est aussi quelque chose qu'on regarde qui est quand même beau dans sa forme également. Alors en fait, pour les gens qui pensent peut-être aimer ce style-là, l'humour un peu noir et caustique à certains égards, eh ben c'est peut-être un album qui risque de leur plaire. C'est du côté du Lombard, donc Monde Oblique de Clark. On repart en musique avec un autre extrait de Pain Perdu. On entame la deuxième moitié de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. On poursuit ces regards du 9e art, une sortie récente qui nous est arrivée du côté des éditions Michel Quintin, une série qui en est déjà son 4e tome, qui vient explorer des thématiques un peu science-fiction, jeux vidéo, geek et l'humour, évidemment, qui est également au rendez-vous. C'est par Maxime Cyr. Ça s'appelle Victor et Igar, le tome 4, Le Monde Virtuel. Maxime Cyr est avec nous pour en jaser. Bonjour. Salut. Alors, c'est la première fois qu'on se jase, en fait, qu'on se rencontre pour échanger sur Victor et Igar. C'est une série qui roule depuis quand même déjà un certain temps. Peut-être si on remonte un peu en arrière, qu'est-ce qui vous avait lancé jadis sur la piste de ces deux frères robots créés par un duo de savants fous? Ça fait maintenant, je pense, environ 6 ans que je suis dans le monde de la bande dessinée. Je travaillais sur Les Dragouilles avec Karine Gotto, qui était l'auteur, et j'étais plus comme illustrateur, et je participais un peu aux blagues. Et à force de travailler en équipe, j'avais le goût de faire ma propre série BD à moi, en fait, me donner un défi, à savoir si je suis capable d'écrire autant qu'illustrer. Et l'idée m'est venue de là. Et lorsque je lui ai dit, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais faire comme projet? Je suis allé avec des idées de qu'est-ce qui me rapproche un peu. Peut-être le mot geek tantôt, puis jeux vidéo, ben, ça me décrit beaucoup. Donc, je suis parti de cette idée-là pour sortir cette série-là. Oui, puis en fait, avec ces éléments-là, j'ai l'impression qu'on peut aller chercher autant dans le gag, donc la personne plus jeune qui comprend pas nécessairement toujours les références à saveur geek qu'on va intégrer, mais qui comprend bien la dynamique du gag qu'on propose, la dynamique des personnages, et les parents qui vont apprécier le gag justement pour sa référence. Donc on joue un peu avec cette dynamique-là, dans le fond. Oui, ben je fais des références à Doctor Who, des trucs comme ça, que je me dis, l'enfant va en avoir déjà entendu parler un peu, mais c'est pas grave s'il comprend pas la référence. Il la comprendra plus tard, cette partie-là. Il y en a autant pour les adultes que pour les enfants. Ouais. Et la clé de Victor et Igor, c'est évidemment la dynamique entre ces deux personnages-là. C'est un duo, on pourrait dire, qui est complice, qui se taquine, mais qui ont aussi une très grande amitié, qui ont un lien inébranlable. Donc, en 4 albums, j'imagine que vous avez eu aussi beaucoup l'opportunité de la tester, de jouer avec cette dynamique-là, une fois que vous l'avez mis en place, là. Oui, ben, je suis un peu avec la dynamique des Looney Tunes, là, où ce qui se tape quand même un petit peu dessus des fois, mais qu'on voit très bien que les personnages, ils s'aiment beaucoup, là. Donc, je développe un peu le côté, les deux frères qui se taquinent, mais qui sont aussi les meilleurs amis du monde en même temps. Et est-ce que ça a pris du temps pour les trouver, ou c'est venu rapidement, justement, cet esprit-là, puis trouver un peu leur personnalité à chacun aussi? Ben, au début, j'avais une idée. Je voulais faire un peu comme raconter l'histoire de Frankenstein, mais en version moderne. Donc, les personnages sont nés comme ça. Igor était moins présent au début, c'était plus comme un assistant dans ma tête. Et après, je trouvais ça plus intéressant s'il devenait plus son frère qu'un assistant, dans le fond, dans un labo. Et c'est là que j'ai développé un peu plus la camaraderie entre les deux, puis leur relation un peu, où ce qu'ils apprennent la vie aussi, là, vu que c'est des robots. Fait que ça peut venir de là. Et évidemment, dans le tome 4, on voit aussi beaucoup mis de l'avant peut-être un aspect de leur personnalité à travers l'avatar qui représente bon, le guerrier, le mage. Et parlez-nous justement peut-être un peu du 4e album. Bon, vous les envoyez carrément dans un jeu vidéo, là. Oui, parce que dans le 3e livre, en fait, ils ont créé leurs avatars et un fusil intemporel, dans le fond, qui peut les transporter dans plusieurs dimensions, un peu où il n'y a pas de limite, là, comme dans les séries télé. Et ils ont ouvert une espèce de portail qui les envoyait dans leur jeu vidéo. Donc là, soudainement, ils vont se transformer en mage, comme tu dis, en ogre, des trucs comme ça. Donc, ça va se passer dans un jeu vidéo. Et moi, c'était comme un peu mon trip là, de pouvoir écrire des blagues sur les jeux vidéo, des trucs que je joue beaucoup, là, dans World of Warcraft, en fantasy, des trucs comme ça. Fait que je trouvais ça le fun d'aller vers une piste que j'avais pas eu le temps de faire encore comme direction. Oui, puis en fait, il y a une dynamique différente à être dans le jeu qu'à jouer. Et en même temps, quand on est dans le jeu puis qu'on a conscience d'être dans un jeu, ça amène quand même des bons degrés pour le scénariste, j'imagine, d'aller chercher de l'absurde, de jouer avec le 4e mur, de jouer avec les conventions, etc. Oui, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils se prennent vraiment pas au sérieux, puis ils s'adressent très souvent au lecteur et même des fois à l'auteur. Ils me font une référence à moi aussi. Fait que j'aime beaucoup ce petit... j'aime ça me prendre au sérieux, en fait, dans la bande dessinée. Surtout pour les jeunes, hein, c'est ce qu'ils aiment beaucoup aussi. Oui, en fait, on dirait que ça crée une complicité. Oui, on dirait que si je peux le parler directement... être avec eux, je trouve, lorsqu'on utilise les personnages pour leur parler, je trouve. Oui, puis en même temps, le défi, j'imagine, c'est d'amener ce type de mécanisme-là, mais sans que ça ait l'air de le faire pour le faire non plus, mais de réussir à justifier à l'intérieur du récit. Non, c'est vrai, je trouve que ça fonctionne mieux comme ça. Oui, en fait, il y a quelques gags pour donner exemple de ce qu'on parle. En fait, sans vouloir jeter votre chute à l'avant de tout, là, mais sur la fin, vous avez le dernier niveau. Et essentiellement, donc ce dernier niveau-là, on le liquide en une planche, en une douzaine de cases. Et à la fin, les personnages se disent « Ben mon Dieu, c'était facile finalement, on l'a fait en une page. » Donc c'est de jouer un peu avec ce type de... La complicité permet ce type de séquences-là qui deviennent en elles-mêmes un gag parce que vous passez des pages et des pages à mettre de l'avance ce dernier niveau-là. Et donc, ça devient une chute à l'intérieur de l'album. Oui, ben j'aime beaucoup qu'ils soient conscients aussi qu'ils sont dans une bande dessinée. Par exemple, dans l'introduction, je pense que dans le tome précédent, lorsqu'ils font les avatars, celui de Victor, c'est exactement celui qu'ils vont avoir présentement, mais celui d'Igor est différent. Et juste pour l'histoire, je trouve ça plus intéressant qu'il soit différent que mon plan original, il y a un tome. Donc, ils font même une référence à l'auteur de « Je n'étais pas supposé être tel personnage dans le tome précédent, c'est ce qu'on avait créé. » Donc, au moins, je fais une petite blague sur ça pour faire « Garde, il y a peut-être une erreur, mais je l'assume et on va vers là. » Je trouve ça plus drôle, cette façon-là. Et à l'intérieur de ça, la mécanique de la série, en fait, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui nous écoutent, essentiellement, donc on a l'aventure. Chaque planche demeure aussi un gag. Donc, faut qu'à travers les gags, vous fassiez progresser l'aventure un peu plus large. Oui, c'est un défi, puisque je vais surtout sortir avec mes idées principales. Je vais avoir 4-5 blagues qui vont faire mon histoire générale, et après ça, je vais remplir autour pour pouvoir développer un peu comme la camaraderie entre les deux, l'histoire un peu où ce que je m'en vais aussi. Et chacun des tomes, en fait, sont peuvent être lus dans le désordre. C'est sûr que j'ai une idée où ce que mon histoire s'en va, mais un enfant comme un adulte peut prendre, commencer avec le tome 3, le tome 4, il n'y a pas de problème. Et pour les gags, vous donnez une contrainte, c'est des gags de 12 cases, d'une planche chacun. Est-ce que cette contrainte-là devient inspirante? Et est-ce qu'à la longue, justement aussi, on finit par avoir l'impression que ça devient plus difficile de toujours se renouveler, justement, de page en page, d'album en album? En fait, je trouvais que c'est un beau défi, parce qu'avec les Dragouilles, l'autre série sur laquelle je travaille, c'est principalement des 3 cases. Et là, c'est la première fois que j'avais jusqu'à des 12 cases, cette opportunité-là. Et au début, j'avais peur de... Est-ce que j'étais capable de remplir ça, de faire un gag en 12 cases? Et là, maintenant, il faut que je me censure des fois, il faut que je me coupe un peu, vu que je m'étale un peu trop. Donc, finalement, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, que ce soit 3 cases à 12 cases. Mais j'avoue que c'est un défi de ne pas être redondant non plus dans l'humour qu'on a et de se donner une thématique. Il faut quand même que je fasse 48 blagues sur ça. Donc, je suis content quand je trouve le petit filon qui m'intéresse et qui me... un peu plus créatif. Oui, d'aller exploiter en fait un côté, un aspect, puis ensuite, OK, après quelques planches, on change d'aspect pour garder la variété, dans le fond, autant dans le ton, dans le style des gags, dans le style de chute, puis dans l'ambiance aussi, le visuel des gags. Oui, ben j'ai une formation en design graphique, j'aime beaucoup les trucs qui sont un peu lichés, les couleurs et tout. Donc, j'essaie de jouer un peu avec les compositions aussi, tout en restant dans la bande dessinée. J'aime ça pouvoir jouer avec les images pour composer un peu plus les formes, tout comme ça. Et j'avais l'impression, en fait, vous pourrez me corriger, mais que vous alternez toujours, en fait, quand c'est sur des planches doubles, qu'une planche qui est peut-être un peu plus en couleur chaude, donc va chercher des mauves, des oranges, des jaunes, et l'autre va être en opposition peut-être un peu plus bleu, verte, ou des couleurs un peu plus froides, donc on est toujours un peu en complémentarité dans le visuel aussi, même pour les planches doubles. Oui, en fait, environ par chaque page, j'utilise un maximum de 3 teintes de couleurs, mais je vais les jouer qu'ils vont changer de page en page, donc le fini total est un look super coloré. Mais quand on regarde, par exemple, la couverture, bien, il y a principalement juste du vert, du rouge et du bleu. Mais ça a l'air super coloré quand même. J'aime pas ça quand on utilise toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sur une illustration. Je trouve qu'il y a de la difficulté à faire sortir certains éléments. Donc, j'aime ça jouer avec 2-3 couleurs. Mais vu que j'ai plusieurs pages pour jouer avec ça, bien, c'est là que ça donne le look plus coloré. Oui, donc, ça, c'est vraiment mon petit côté design graphique là, qui ressort beaucoup. Et ça ajoute aux contraintes dont on parlait tantôt, c'est-à-dire, OK, j'ai 3 couleurs, j'ai 12 cases, et il faut que je travaille avec ça pour faire marcher mon gag, créer l'ambiance du gag, créer la dynamique de l'album, etc., etc. Mm-hmm. Et en plus, la coloration, c'est une des étapes que j'adore le plus. C'est la dernière étape à faire dans un projet, et elle passe tellement vite. J'aime beaucoup, on dirait que c'est finalement là, que le projet prend vie au complet, mais... En quelques semaines, c'est réglé, donc c'est un petit plaisir dans le fond du projet. Oui, parce que dans le fond, les arrière-plans sont là plutôt pour justement appuyer vos personnages, parce que tout se passe dans... On parlait beaucoup de la dynamique entre les deux frères, mais aussi de leur expressivité. Donc, c'est eux qui sont vraiment de l'avant dans toutes ces pages-là, et c'est leurs yeux, leur expression verbale qui deviennent aussi le moteur des situations, le moteur des gags, le moteur des sourires du lecteur. Oui, c'est ça. Bien, comme dans les années 2000, il y avait beaucoup d'animations flash ou des petits cheveux flash qu'on pouvait faire. C'était vraiment des aplats comme ça. Et c'est vraiment de là que ça m'inspirait où ce qu'on focusait sur les personnages et l'arrière-plan, en fait, mais juste comme à côté la couleur. Mais c'est vraiment sur l'action en avant. Fait que j'ai ce petit côté-là qui est resté dans le temps que je dessinais dans Flash, là, qui est maintenant Animate, je pense, là, de Macromedia qui est rendu avec Adobe. Oui, puis ça on va chercher justement, on dirait que ça accentue la variété, mais en même temps que ça crée la constance des personnages, dans le fond, qui eux sont omniprésents, évidemment, puisque c'est leur série, c'est leur univers, c'est leur monde. C'est ça. Puis j'aime pas la perspective aussi, donc c'est une façon de s'en sortir. Et déjà, le quatrième tome pour Victor et Igor, est-ce qu'on s'en va aussi vers un cinquième dans un horizon rapproché? Oui, il me reste en fait 2 pages à esquisser. Il est tout écrit, je l'ai terminé cet été, l'écriture. J'ai commencé l'esquisse, donc bientôt terminé. Je vais l'envoyer à la maison d'édition pour qu'on révise tout ça. Je vais pouvoir passer à l'ancrage autour de Noël environ. Donc, je vais en sortir un par année, si tout va bien, et le tome 5 s'en vient bientôt. Et est-ce qu'on garde un peu la structure, justement, 12 cases du quatrième? Oui, toujours la même structure. Je vais avoir une autre thématique cette fois-ci. Ils vont y avoir quitté le jeu vidéo, donc ils vont être de retour au labo. Mais je vais avoir une autre direction pour cela, qui est encore un peu secrète. Oui, puis qui permet justement d'orienter la créativité, les gags, puis d'ajouter cette contrainte-là additionnelle, si on peut dire. C'est ça. Puis en fait, moi, ça me fait juste plaisir. Ça me donne mes idées comme une direction vers laquelle chercher mes idées un peu. Ça me guide un peu plus que juste me dire, bon, comme les Garfield, par exemple, c'est toujours un blague qui se passe chez eux. Il y a rarement des thématiques. Je pense à part, en fait, un album de Noël au complet, je crois. Donc, ça me guide un peu plus comme ça. Évidemment, on peut découvrir d'ici là donc le quatrième tome ou les précédents. Maxime Cyr, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Au plaisir. Au revoir. Alors, Maxime Cyr, je le rappelle, auteur donc de cette série Victor et Igor, le quatrième tome qui vient tout juste d'arriver chez les libraires. C'est du côté de Michel Quintin. Ça s'intitule Le monde virtuel. Dernière ligne droite de l'émission La vie en BD, une ligne droite qu'on passe avec l'un de nos libraires en résidence de la librairie Pantoute, Marco Duchesne, bonjour. Hey, salut. Et Marco, tu nous arrives encore avec quelques chouettes suggestions. On se lance tout de suite, tiens, avec Alexandrin. Alors, dernier album sorti aux éditions Futuropolis. On sait que c'est Futuropolis, c'est le haut de gamme de la BD et on aime bien, de temps en temps, faire un album haut de gamme de chez Futuropolis. Alors, c'est le dernier album avec Pascal Rabaté au scénario et un dessinateur qui s'appelle Alain Codor. Alors, Alexandrin ou Comment faire des vers à pied est une très jolie histoire. Une histoire pleine de tendresse. Oui, je sais, tu me regardes en me disant, ben voyons donc, Duchesne, t'es un être tendre, finalement. Oui, alors je me dévoile à ton émission, je sors du placard. Alors, Alexandrin raconte l'histoire d'un homme, un vieux. Un vieux qui est un clochard, un sans-abri. Mais ce clochard, ce sans-abri, est un poète. Il vend, il échange ses poèmes pour de l'argent, pour quelques pièces. Il ne parle qu'en vers. Il ne parle qu'en 12 pieds. Donc c'est vraiment Alexandrin. C'est un bon défi de scénario. Alors, tout du long, Alexandrin va nous raconter et va parler en vers. Alors, dès le départ, on le voit sonner à la porte, mentionner qu'il est poète et pour quelques poèmes, échanger quelques pièces. Mais c'est surtout l'histoire d'Alexandrin qui, à un moment donné, dans son périple de la ville, va tomber sur Kevin, un jeune garçon qui a fugué. Et Kevin va comme un peu le suivre parce que pour Kevin, ce vieil homme, ce Alexandrin, il trouve qu'il slame vraiment bien. Alors, tu vois, là, les deux... se rejoignent par la poésie. Oui, vont échanger. Alors, Alexandrin va prendre Kevin sous son aile et va l'amener donner ses trucs de comment survivre dans la ville, c'est-à-dire où se doucher, où manger, où dormir. Et là, les deux vont s'attacher l'un à l'autre, vont échanger, vont parler, toujours en Alexandrin. Est-ce que la lecture de ça, en fait, c'est justement, on dit, succulent. Ça doit être virtuose un peu à l'image. Ah oui, c'est succulent. Et c'est tout le dessin est tout en douceur. Et les couleurs sont pastelles, mais pas dérangeantes. Kevin et Alexandrin vont se ramasser à la campagne. Alors, le porte-à-porte est un peu plus difficile, mais il y a du travail. On ramasse des pommes et on fait des rencontres. Et vers la fin, Kevin va décider de rentrer chez lui. C'est un moment de vie qu'on voilà. Partage avec ces personnages-là. Et il y a une fin. Alors là, je vous laisse découvrir ce magnifique album. Écoute, c'est chez Futuropolis ces derniers mois. C'est un de mes albums préférés. Et Rabaté, on connaît Rabaté pour ce genre de récit d'hymne à la vie, d'hymne à, à la langue ici, là, c'est merveilleux. Moi, je me rappelle de l'effet qu'avait eu pour moi Cyrano de Bergerac, le film. J'avais trouvé ça extraordinaire de toffer tout un film de cap et d'épée avec tout parler c'est ce en qui faisait vert. La force de ce film-là et de cet univers. Alors, c'est la même chose ici. Jamais on est dérangé par cet aspect-là. Et on suit cette histoire-là là, avec tellement d'intérêt pour voir comment va se dénouer la relation entre Kevin et Alexandre. Écoute, je recommande fortement cet album-là et ça fait un joli cadeau de Noël. Là, je sais. On est déjà rendu là? Ben oui, je sais. Tu sais, pour un libraire, là, Noël, ça commence fin septembre. Hein? OK? Alors, c'est Futuropolis, c'est par Alain Codard et Pascal Rabaté, et ça s'appelle Alexandrin ou Comment faire des vers à pied. Deuxième titre dont tu nous parles cette semaine, Marco, Oublie mon nom. Écoute, un auteur italien qui a, ben, évidemment, c'est sûrement un pseudonyme, là, Zéro Calcaire. C'est le nom qui s'est donné. Un Italien qui, semble-t-il, en Italie, est une vedette. Semble-t-il que c'est le BDiste, une star de la BD. Oui, oui. Alors, ne me regarde pas comme ça. Non, mais en fait, des fois, il y a des auteurs comme ça qu'on n'a pas encore eu l'occasion de découvrir outre-mer. Comme ça. Et chez Paquet, il avait fait paraître un titre qui est passé complètement inaperçu. J'ai des brides de mémoire, quelques brides de ce qu'il avait fait, mais pas marquantes. Par contre, l'année passée, quand Bourakis, une petite maison d'édition, a sorti son espèce de pavé qui s'appelait Kobané Calling. Alors, Kobané Calling, celui qui est sorti l'année passée, c'était un espèce de BD reportage. Il s'est porté volontaire, Zéro Calcaire, cet auteur de BD italienne, s'est porté volontaire pour aller faire des reportages pour accompagner une OGM en plein Kurdistan. À la frontière de, là, je vous dirais, de la Turquie, tous ces Iran, Irak, tous ces pays, toutes ces zones nébuleuses pour nous qui semblent nulle part. Mais lui est allé sur place vivre ces guerres-là, ces restants de guerre, ces restants de... Bref. Et, écoute, moi, ça m'avait épaté la façon dont il... Et son dessin est un peu rigolo, un peu cartoonesque. Okay. Alors, il arrive... cette semaine, en fait, depuis deux jours, sort son nouveau qui s'appelle « Oublie mon nom ». Cette fois-ci, c'est un récit intimiste. « Oublie mon nom » a comme prémisse « Zéro Calcaire a perdu sa grand-mère ». Il était proche de sa grand-mère, sa mamie, et il l'a perdue et il est aux funérailles, il prépare les funérailles, et il a une quête, c'est ramener une bague que sa mamie aimait et sa mamie a demandé à être enterrée avec la bague. Là, on se dit, waouh, là, on va traiter d'un sujet, mais, hein, grave. Ouais, c'est intense, ça, dramatique. Toi. Et finalement. Mais non. Zéro Calcaire est un manie l'humour avec une dextérité. J'ai jamais autant ri, pleuré en même temps. Tu sais, quand tu lis, tu n'es pas décidé, tu fais, ah, oh, waouh, mais. En fait, tu ris puis tu pleures, en fait, puis ça réussit à susciter des émotions contradictoires. Il a une façon de raconter, même dans son album précédent, Kobané Calling, même ça, écoute, il est sur les lieux où se jouent des drames, des Kurdes, des résistants, de la guerre, et il arrive à nous faire rigoler. Sa vision du monde nous aide à passer au travers de tous ces drames-là. Dans Oublie mon nom, cette grand-mère-là, là, on sent qu'il l'a aimée. On sent qu'elle était proche. Et tout du long, cette quête-là, il nous la fait passer avec toute cette peine, toute cette tristesse-là, il nous la fait passer avec humour, avec sa vision du monde, qui est une vision de geek, là, BD, cinéma. Évidemment, ramener une bague, ça nous fait penser au Seigneur des Anneaux, Gollum et tout. Okay. Alors, moi, j'ai retrouvé chez Zéro Calcaire, ce que j'avais beaucoup aimé chez Peter Badge avec sa saga des Bradley, cet Américain des années 90 qui nous racontait la famille moyenne américaine à travers un adolescent Bradley, de la famille Bradley. J'ai retrouvé ça et je me suis à la fois beaucoup amusé, mais aussi senti cette émotion-là, une charge émotionnelle tellement incroyable dans cet album-là. Oublie mon nom. Je vous le conseille fortement. Et Marco, je te donnerais peut-être, en fait, j'ai envie de te dire, en deux minutes, parle-moi de Jack Kirby. Ben écoute, je t'ai mis, quand je t'ai remis les notes, de dire que j'avais envie juste de souligner ce grand de la BD américaine, ce Jack Kirby, le roi de King, qui maintenant, on fête son 100e anniversaire, il aurait eu 100 ans. Dans les années 60, Jack Kirby, on lui doit beaucoup de choses en BD, au niveau du dessin, au niveau de la narration. Il a brisé les codes du comic américain. Il est le créateur de tout ce qu'on connaît en super-héros avec Stan Lee dans les années 60. C'est lui, les Fantastic Four. En fait, tout ce qui est archétypal, Iron Man, c'est lui, dans le fond. C'est lui, Hulk. C'est lui, les Avengers. C'est lui, les X-Men. Alors, et les Inhumains. Alors, tout ce qu'on voit et tout ce que le monsieur et madame tout le monde adore au cinéma, on lui doit tout ça. Et on fête son 100e anniversaire. Alors, surveillez en librairie les éditions Urban Comics, qui est la maison d'édition qui traduit du DC, refont ses œuvres qu'il avait faites chez DC, comme les Losers, comme le Quatrième Monde. À lui seul, c'est du space opéra, c'est des sagas incroyablement touffues dont il était l'auteur. Chez Panini, on sort ses Machine Man, on ressort les super-héros en intégrale dont il est l'auteur, dont il a dessiné. Et allez voir cette façon de raconter, inspirée un peu du théâtre, du drame que dans les années 40, dans les années 50... On crée des nouvelles mythologies. Voilà. Et au niveau du dessin, on s'inspirait beaucoup du théâtre, comme on n'avait pas de télé. On s'inspirait... Alors, les poses, toutes les poses super-héroïques, c'est à lui qu'on les doit. Alors, allez jeter un coup d'œil et fêtez dignement l'anniversaire, 100e anniversaire de Jack Kirby. Alors, on fait une belle invitation, effectivement, à replonger dans ce patrimoine BD toujours bien actuel. Marco Duchesne, on se revoit très bientôt. Ben, quand tu veux. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, à l'émission, on aura Jocelyn Bonnier qui viendra nous parler de L'Idiot, son adaptation du récit du même titre qui nous vient de la littérature russe. Il y aura Julie Rochelot qui sera de passage pour nous jaser de Betty Boop. Michel Giguère qui nous parlera des rendez-vous de la BD et plus. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée, une excellente semaine sur les ondes du 89.1 CKRL.